na na na na na na. Il me manque, même si tu es là, je les oublierai pas, et toi aussi, je crois. J'espère qu'ils sont vivants, je m'en voudrais méchamment. Cette tornade qui emporte Arcadia Bay, ce jour-là, notre destin se scellait. Oh, na na na na na na. On a piégé cet enfoiré, Rachel est vengée. J'ai fait ce que j'ai pu pour Kate, et te sauver t'es ma quête. Oh, oh, oh, pourrais-je me pardonner d'avoir tout chamboulé? Cette tornade qui emporte Arcadia Bay, ce jour-là, notre destin se scellait. Oh, sacrifier William pour ensuite sacrifier toi pour moi, c'est un soin. Qu'en est-il de David? Ne sens-tu pas de vide? Est-ce ma faute si ça arrive? La veille est foutue, ils vont tous l'avoir enculé. C'était ça où te perdre. Choisir entre sa faute, une amie, je préférerais te prendre. Car cette tornade qui emporte Arcadia Bay, ce jour-là, notre destin se scellait. Cette tornade qui emporte Arcadia Bay, notre destin se scellait. Oh, oh. Na na na na na na. Il me manque.